Dans la rue seulement, le docteur Chassaigne parut se réveiller. Il eut un petit frisson, il pressa le pas en disant « Ce n'est pas fini, mon cher enfant. Suivez-moi. Nous allons voir maintenant l'autre grande iniquité. » C'était de l'abbé Peyramale et de son église qu'il parlait. Ils traversèrent la place du Porche, tournèrent dans la rue Saint-Pierre. Quelques minutes devaient suffire. Mais la conversation était retombée sur les pères de la grotte, sur la guerre terrible, sans merci, faite par le père Sampé à l'ancien curé de Lourdes. Celui-ci, vaincu, en était mort, dans une affreuse amertume, et, après l'avoir ainsi tué de chagrin, on avait achevé de tuer son église, qu'il laissait inachevée, sans toiture, ouverte au vent et à la pluie. Cette église monumentale, de quels rêves glorieux elle avait empli les dernières années de son existence! Depuis qu'on l'avait dépossédée de la grotte, chassée de cette œuvre de Notre-Dame de Lourdes, dont il était, avec Bernadette, le premier ouvrier, son église devenait sa revanche, sa protestation, sa part de gloire à lui, la maison de Dieu où il triompherait en habit sacré, d'où il emmènerait d'interminables processions, pour réaliser le vœu formel de la Sainte Vierge. L'homme d'autorité et de domination qui était au fond de son être, le pasteur de foule, le constructeur de temples, goûtait une impatiente joie à hâter les travaux, avec une imprévoyance d'homme passionné qui ne s'inquiétait pas de la dette, se laissait voler par les entrepreneurs, pourvu qu'il y eût toujours un peuple d'ouvriers sur les échafaudages. Et il la voyait grandir, son église, et il la voyait finie, par un beau matin d'été, toute neuve dans le soleil levant. Ah, cette vision sans cesse évoquée, elle lui donnait le courage de la lutte, au milieu du meurtre sourd dont il se sentait enveloppé. Son église, dominant la vaste place, se dressait enfin dans sa majesté colossale. Il l'avait voulu de style roman, très grande, très simple, la nef longue de 90 mètres, la flèche haute de 140. Elle resplendissait au clair soleil, débarrassée la veille du dernier échafaudage, encore toute fraîche de jeunesse, avec ses larges assises de pierre montées par rangs égaux. Et, en pensée, il tournait autour d'elle, ravi de sa nudité, de sa chasteté de vierge-enfant, d'une candeur géante, sans une sculpture, sans un ornement, qui l'aurait inutilement chargé. Les toitures de la nef, du transept et de l'abside régnaient à la même hauteur, au-dessus de l'entablement, fait de moulures sévères. De même, les baies des bas-côtés et de la nef n'avaient d'autre décoration que des archivoltes moulurées, continuant les pieds droits. Il s'arrêtait devant les grandes verrières du transept, dont les rosaces étincelaient. Il faisait le tour, en passant derrière l'abside ronde, contre laquelle le bâtiment de la sacristie alignait deux étages de petites fenêtres. Et il revenait, et il ne pouvait se lasser devant cette royale ordonnance, ces grandes lignes qui se découpaient sur le bleu, ces toits superposés, cette masse énorme dont la solidité défiait les siècles. Mais, lorsqu'il fermait les yeux, il évoquait surtout la façade, le clocher, dans un ravissement d'orgueil. En bas, le porche à trois travées, la travée de droite et la travée de gauche, dont les toitures de pierre formaient terrasse, tandis que le clocher, naissant de la travée centrale, s'élançait au milieu d'un jet puissant. Là aussi, les colonnes engagées dans les pieds droits supportaient des archivoltes simplement moulurées. Contre le pignon, à la pointe d'un pinacle, une statue de Notre-Dame de Lourdes se trouvait sous un dais, entre les deux baies hautes de la nef. Au-dessus, d'autres baies s'ouvraient encore, que garnissaient les abat-sons fraîchement peints. Les contreforts partaient du sol, aux quatre angles, s'amincissaient en montant, d'une légèreté forte, jusqu'à la flèche, une hardie flèche de pierre, flanquée de quatre clochetons, ornée également de pinacles, envolée et perdue en plein ciel. Et il lui semblait que c'était son âme de prêtre fervent qui avait grandi, qui s'était élancé avec cette flèche pour témoigner de sa foi au travers des âges, là-haut, tout près de Dieu. D'autres fois, une vision l'enchantait davantage encore. Il croyait voir l'intérieur de son église, le jour de la première messe solennelle qu'il y célébrerait. Les vitraux jetaient des feux comme des pierreries. Les 12 chapelles des bas-côtés rayonnaient de cierges. Et il était au maître-autel de marbre et d'or. Et les 14 colonnes de la nef en marbre des Pyrénées, d'un seul bloc, dont magnifique venu des quatre coins de la chrétienté, se dressaient, supportant la voûte que les voix grondantes des orgues emplissaient d'un chant d'allégresse. Un peuple de fidèles se pressait là, agenouillé sur les dalles, en face du chœur entouré d'une grille légère ainsi qu'une dentelle, revêtue d'une admirable boiserie sculptée. La chaire à prêcher, royal cadeau d'une grande dame, était une merveille d'art, fouillée en plein chêne. Les fonds baptismaux avaient été taillés dans la pierre dure par un artiste de grand talent. Des tableaux de maître ornaient les murailles, des croix, des ciboires, des ostensoirs précieux, des vêtements sacrés, pareils à des soleils, s'entassaient au fond des armoires de la sacristie. Et quel rêve d'être le pontife d'un tel temple, d'y régner après l'avoir bâti avec passion, d'y bénir les foules accourues de toute la terre pendant que les sonneries volantes du clocher iraient dire à la grotte et à la basilique qu'elles avaient là-bas, dans le vieux Lourdes, une rivale, une sœur victorieuse chez laquelle Dieu triomphait aussi. Après avoir suivi un instant la rue Saint-Pierre, le docteur Chassaigne et son compagnon tournèrent dans la petite rue de l'Angèle. « Nous arrivons !» dit le docteur. Mais Pierre regardait, ne voyait pas d'église. Il n'y avait là que des masures misérables, tout un quartier de faubourgs pauvres, obstrués de constructions lépreuses. Enfin, il aperçut au fond d'une impasse un pan de la vieille palissade, à demi pourrie, qui entourait encore le vaste terrain carré, compris entre les rues Saint-Pierre, de Bagnères, de l'Angèle et des Jardins. « Il faut tourner à gauche, » reprit le docteur, qui s'était engagé dans un couloir étroit, parmi des décombres. « Nous y voilà !» Et la ruine, brusquement, apparut au milieu des laideurs et des misères qui la masquaient. Toute la puissante carcasse de la nef et des bas-côtés, du transept et de l'abside, était debout. Les murs, partout, s'élevaient jusqu'à la naissance des voûtes. On pénétrait là, comme dans une église véritable, on pouvait s'y promener à l'aise, en reconnaître les parties accoutumées. Seulement, lorsqu'on levait les yeux, on voyait le ciel. Les toitures manquaient, la pluie tombait, le vent soufflait librement. Depuis 15 ans bientôt, les travaux étaient abandonnés, les choses restaient dans l'état où le dernier maçon les avait laissées. Ce qui frappait d'abord, c'était les 10 piliers de la nef, les 4 piliers du chœur, ces piliers magnifiques en marbre des Pyrénées d'un seul bloc, qu'on avait recouverts d'une chemise de planches pour les protéger contre tout dégât. Les bases et les chapiteaux, encore bruts, attendaient les sculpteurs, et ces colonnes isolées, ainsi vêtues de bois, avaient une grande tristesse. Puis, une mélancolie montait de l'enceinte béante, de l'herbe qui envahissait le sol ravagé, bossué, des bas-côtés et de la nef, une herbe drue de cimetière, au travers de laquelle les femmes du voisinage avaient fini par tracer des sentiers. Elles entraient y étendre leurs lessives. Tout un blanchissage de pauvres, des draps épais, des chemises en loques, des langes d'enfants, achevaient justement d'y sécher. Au dernier rayon du soleil qui se glissait là par les larges baies vides. Lentement, sans parler, Pierre et le docteur Chassaigne firent le tour à l'intérieur. Les 10 chapelles des bas-côtés formaient des sortes de compartiments, pleins de gravats et de débris. On avait cimenté le sol du chœur, sans doute pour protéger la crypte des infiltrations en dessous. Malheureusement, les voûtes devaient se tasser et il existait là une dépression que l'orage de la nuit précédente avait transformée en un petit lac. Du reste, c'était ces parties du transept et de l'abside qui avaient le moins souffert. Pas une pierre ne bougeait. Les grandes rosaces centrales, au-dessus du triforium, semblaient attendre leur verrière, tandis que des madriers, oubliés en haut des murs de l'abside, auraient pu faire croire qu'on allait commencer à la couvrir le lendemain. Mais quand ils furent revenus sur leurs pas et qu'ils sortirent pour voir la façade, la détresse lamentable de cette jeune ruine se montra. De ce côté, on avait beaucoup moins poussé les travaux. Le porche à triple travée était seul construit et 15 années d'abandon avaient suffi aux hivers pour en ronger les sculptures, les colonnettes, les archivoltes, dans un travail de destruction vraiment singulier, comme si la pierre, entamée profondément, détruite, s'était fondue sous des larmes. Le cœur se serrait à la vue de cette destruction qui s'attaquait à l'œuvre avant même qu'elle fût finie. Ne pas être encore, et déjà s'émietter ainsi sous le ciel, s'immobiliser dans sa croissance de colosse géant pour semer l'herbe de décombres. Ils rentrèrent dans la nef. Ils y retrouvèrent l'affreuse tristesse de cet assassinat d'un monument. Le vaste terrain vague, à l'intérieur, était obstrué par les débris des échafaudages qu'il avait fallu abattre, pourris à moitié, dans la crainte que leur chute n'écrasât le monde. Et c'était partout, au milieu des herbes hautes, des plats-bords, des boulins, des cintres, mêlés à des paquets de vieilles cordes que l'humidité achevait de manger. Il y avait aussi la carcasse efflanquée d'un treuil, se dressant comme une potence. Des manches de pelle, des morceaux cassés de brouette traînaient encore parmi des matériaux oubliés. Des tas de briques verdâtres, tachées de mousse, où fleurissaient des liserons. Sous les nappes d'ortie, on revoyait, par places, les rails du petit chemin de fer installé pour les charrois, et dont un wagonnet renversé gisait dans un coin. Mais la grande mélancolie de cette mort des choses était surtout la locomotive restée sous le toit du hangar qui l'abritait. Depuis 15 ans, elle était là, refroidie, morte. Le hangar avait fini par s'effondrer sur elle. De larges trous laissaient la pluie la tremper à chaque averse. Un bout de la courroie de transmission qui actionnait le treuil pendait, semblait la lier, pareil à un fil d'araignée géant. Et ses aciers, ses cuivres, se pourrissaient eux aussi, comme rouille de lichen, recouverts d'une végétation de vieillesse, dont les plaques jaunâtres faisaient d'elle une sorte de machine très ancienne, herbue, que les hivers avaient décharnée. Cette machine morte, cette machine froide, au foyer éteint, à la chaudière muette, c'était l'âme même du travail qui s'en était allé, dans la vaine attente du grand cœur charitable, dont la venue, à travers les églantiers et les ronces, devait réveiller l'église au bois dormant de son lourd sommeil de ruine. Le docteur Chassaigne enfin parla. Oh, dit-il, quand on pense que 50 000 francs auraient suffi pour empêcher un tel désastre, avec 50 000 francs, on pouvait couvrir, le gros œuvre était sauvé, et l'on avait tout le temps d'attendre. Mais ils voulaient tuer l'œuvre, comme ils avaient tué l'homme. D'un geste, il désigna là-bas les pères de la grotte, qu'il évitait de nommer. Et dire qu'ils ont des recettes annuelles de 900 000 francs. Ils préfèrent envoyer des cadeaux à Rome pour entretenir des amitiés puissantes. Malgré lui, il repartait en campagne contre les adversaires du curé Peyramal. Toute cette histoire le hantait d'une sainte colère de justice. En face de la ruine lamentable, il reprenait les faits. Le curé enthousiaste, se lançant dans la construction de son église, s'endettant, se laissant voler, tandis que le père Sampé, aux aguets, profitait de chacune de ses fautes, le discréditait près de l'évêque, finissait par tarir les aumônes et par faire arrêter les travaux. Puis, après la mort du vaincu, venaient les procès interminables, 15 années de procès, qui avaient donné aux hivers le temps de manger l'œuvre. Maintenant, elle était dans un si pitoyable état. La dette montait à un chiffre si gros que tout paraissait bien fini. La mort lente, la mort des pierres s'achevait. Sous son hangar effondré, la locomotive allait tomber en loch, battue par la pluie, rongée par la mousse. « Je le sais bien, ils chantent victoire, il n'y a plus qu'eux. C'était ce qu'ils désiraient. » Être les maîtres absolus, garder pour eux seuls toute la puissance, tout l'argent. Si je vous disais que leur terreur de la concurrence les a poussés jusqu'à écarter de Lourdes les ordres religieux qui ont tenté d'y venir. Des jésuites, des dominicains, des bénédictins, des capucins, des carmes ont fait des demandes. Toujours les pères de la grotte sont parvenus à les évincer. Ils ne tolèrent que les ordres de femmes. Ils ne veulent qu'un troupeau. Et la ville leur appartient. Et ils y tiennent boutique. Ils y vendent Dieu en gros et en détail. À Palan, il était revenu au milieu de la nef, parmi les décombres. D'un grand geste, il montra la dévastation qui l'entourait. Voyez cette tristesse, cette misère affreuse. Là-bas, le rosaire et la basilique leur ont coûté plus de 3 millions. Pierre, alors, comme dans la noire et froide chambre de Bernadette, vit se dresser la basilique, radieuse en son triomphe. Ce n'était point ici que se réalisait le rêve du curé Peyramale, officiant, bénissant les foules à genoux, pendant que les orgues grondaient d'allégresse. La basilique, là-bas, s'évoquait, toute sonnante de la volée des cloches, toute clamante de la joie surhumaine d'un miracle, toute brasillante de flammes, avec ses bannières, ses lampes, ses cœurs d'argent et d'or, son clergé vêtu d'or, son ostensoir pareil à un astre d'or. Elle flambait dans le soleil couchant, elle touchait le ciel de sa flèche, dans l'envolement des milliards de prières dont ses murs frémissaient. Ici, l'église morte avant de naître, l'église interdite par un mandement de l'évêque, tombait en poudre, ouverte aux 4 vents. Chaque orage emportait un peu des pierres. De grosses mouches bourdonnaient seules dans les orties qui avaient envahi la nef. Et il n'y avait d'autres dévotes que les femmes du voisinage, venant retourner leur pauvre linge étendu sur l'herbe. Au menu du morne silence, une voix sourde semblait sangloter, la voix des colonnes de marbre peut-être, pleurant leur luxe inutile sous leurs chemises de planches. Parfois, des oiseaux traversaient l'abside déserte en jetant un petit cri. Des bandes de rats énormes, réfugiés sous les pièges des échafaudages abattus, se mordaient, bondissaient hors de leurs trous dans un galop d'effroi. Et rien n'était d'une angoisse plus désespérée que cette ruine voulue ne fasse de sa triomphante rivale la basilique rayonnante d'or. De nouveau, le docteur Chassaigne dit simplement « Venez ». Ils sortirent de l'église, ils longèrent le bas-côté de gauche, arrivèrent devant une porte faite grossièrement de quelques planches clouées. Et quand ils eurent descendu un escalier de bois à demi rompu, dont les marches branlaient sous leurs pieds, ils se trouvèrent dans la crypte. C'était une salle basse, aux voûtes écrasées, qui reproduisait exactement les dispositions du chœur. Les colonnes trapues, laissées à l'état brut, attendaient elles aussi leur sculpture. Des matériaux traînaient, des bois achevaient de pourrir sur la terre battue. Toute la vaste salle restait blanche de plâtre, dans le fruste abandon des bâtisses qu'on ne finit pas. Au fond, 3 baies, autrefois vitrées, et dont il ne restait plus un carreau, éclairé d'un grand jour froid, la nudité désolée des murs. Et là, au milieu, dormait le corps du curé Peyramale. Des amis fervents avaient eu l'idée touchante de l'ensevelir ainsi dans la crypte de son église inachevée. Sur une large marche, le tombeau était tout en marbre. Les inscriptions, en lettres d'or, disaient la pensée des souscripteurs, le cri de vérité et de réparation qui sortait du monument. On lisait sur la face « De pieuses oboles venues de tout l'univers ont élevé ce tombeau à la mémoire bénie du grand serviteur de Notre-Dame de Lourdes. » On lisait à droite ces mots d'un bref de Pie IX « Vous vous êtes dévoué tout entier à édifier un temple à la Mère de Dieu. » On lisait à gauche cette parole de l'Évangile « Heureux ceux qui souffrent de persécution pour la justice. » N'était-ce point la plainte véridique, l'espoir légitime du vaincu, qui avait combattu si longtemps, dans l'unique désir d'exécuter strictement les ordres de la Vierge que Bernadette lui avait transmis? Elle se trouvait là, Notre-Dame de Lourdes, une statuette mince, placée au-dessus de l'inscription funéraire contre la grande muraille nue, que décoraient seulement quelques couronnes de perles pendues à des clous. Et devant le tombeau, 5 ou 6 bancs étaient alignés, comme devant la grotte, pour les fidèles qui voulaient s'asseoir. Mais d'un nouveau geste de pitié ému, le docteur Chassaigne, silencieusement, avait montré à Pierre une tache énorme d'humidité qui verdissait le mur du fond. Pierre se rappela le petit lac qu'il avait remarqué en haut, sur le ciment disjoint du chœur, un amas d'eau considérable laissé par l'orage de la nuit précédente. Évidemment, des infiltrations se produisaient. Une source véritable coulait en bas, envahissait la crypte par les temps de forte pluie. Tous deux eurent le cœur serré lorsqu'ils s'aperçurent que l'eau suivait la voûte par minces filets et retombait en grosses gouttes régulières, cadencées sur le tombeau. Le docteur ne put retenir un gémissement. « Il pleut maintenant, il pleut sur lui !» Pierre demeurait immobile, dans une sorte de terreur sacrée. Sous cette eau qui tombait, sous les coups de vent qui devaient entrer l'hiver par les carreaux brisés des fenêtres, ce mort lui apparut lamentable et tragique. Il prenait une grandeur farouche, tout seul dans son riche tombeau de marbre, au milieu des gravats, au fond des ruines croulantes de son église. Il en était le gardien solitaire, le mort endormi et rêveur qui en gardait les espaces vides, ouverts à tous les oiseaux de nuit. Il y était la protestation muette, obstinée, éternelle. Et il y était l'attente. Couché dans sa bière, ayant l'éternité pour prendre patience, il y attendait, sans lassitude, les ouvriers qui reviendraient peut-être par un beau matin d'avril. Et s'il mettait 10 ans, il serait là. Et s'il mettait 1 siècle, il serait là encore. Il attendait que les échafaudages pourris, là-haut, parmi l'herbe de la nef, fussent ressuscités ainsi que des morts, dans un prodige, de nouveau debout le long des murs. Il attendait que la locomotive, sous la mousse, tout d'un coup brûlante, retrouvât son haleine pour monter les charpentes de la toiture. Son œuvre aimée, la géante construction, croulait sur sa tête. Et les mains jointes, les yeux clos, il en gardait les décombres. Il attendait. À demi-voix, le docteur acheva la cruelle histoire. Comment, après avoir persécuté le curé Peyramale et son œuvre, on persécutait son tombeau? Anciennement, un buste du curé était là. Des mains dévotes entretenaient devant lui la petite flamme d'une lampe. Mais une femme étant tombée, la face contre terre, en disant qu'elle voyait l'âme du défunt, les pères de la grotte s'émurent. Est-ce que des miracles allaient se produire? Déjà, des malades passaient les journées entières assis sur les bancs devant le tombeau. D'autres s'agenouillaient, baisaient le marbre, imploraient leur guérison. Et ce fut une terreur. S'il guérissait, si la grotte avait un concurrent dans ce martyr, couché tout seul au milieu des vieux outils laissés par les maçons. L'évêque de Tarbes, prévenu, travaillé, publia le mandement qui interdisait l'église, en défendant tout culte, tout pèlerinage et procession au tombeau de l'ancien curé de Lourdes. Comme pour Bernadette, son souvenir était proscrit. Son image ne se trouvait officiellement nulle part. De même qu'il s'était acharné contre l'homme vivant, les pères s'acharnaient contre la mémoire du grand mort. Ils le poursuivaient jusque dans la tombe. Eux seuls, aujourd'hui encore, empêchaient que les travaux de l'église ne fussent repris, créant de continuels obstacles, refusant de partager leur riche moisson d'aumône. Et ils attendaient que la pluie des hivers tombât, achevât l'œuvre de destruction, que la voûte, les murs, toute la construction géante croulât sur le tombeau de marbre, sur le corps du vaincu, et qu'il fût enseveli, et qu'il fût broyé. « Ah !» murmura le docteur, « moi qui l'ai connu, si vaillant, si enthousiaste des nobles besognes. Maintenant, vous le voyez, il pleut sur lui. » Péniblement, il se mit à genoux, il s'apaisa dans une longue prière. Pierre, qui ne pouvait prier, restait debout. Une humanité émue débordait de son cœur. Il écoutait les pesantes gouttes de la voûte s'écraser une à une sur le tombeau, dans un rythme lent, qui semblait compter les secondes de l'éternité au milieu du profond silence. Et il songeait à l'éternelle misère de ce monde, à cette élection de la souffrance frappant toujours les meilleurs. Les deux grands ouvriers de Notre-Dame de Lourdes, Bernadette, le curé Peyramale, revivaient devant lui, ainsi que des victimes pitoyables, torturées pendant leur vie, exilées après leur mort. Certes, cela aurait achevé de tuer en lui la foi. Car la Bernadette qu'il venait de trouver, au bout de son enquête, n'était qu'une sœur humaine, chargée de toutes les douleurs. Mais il n'en gardait pas moins pour elle un culte de fraternelle tendresse, et deux larmes lentes roulèrent sur ses joues.